tirer ces petits caïds, ces mineurs délinquants de ces quartiers, pour voler lors de l'échange, bien évidemment. C'est clair, cousin. Bienvenue au Carturisme, volume 1. Moi, j'agis. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'éradiquer la délinquance. De porter à cette délinquance les coups les plus fous, les plus forts. Ok, ok, à ce qui paraît, y'a des enjeux sur notre dos. On raconte du mytho, garder la pêche et continuer à parler sur nos dos. J'ai vous les rois de la jalousie, car rien que ça va avec vous, de loin ou de près. Ils sont des braves, on me dit qu'il faut taffer pour la réussite. Alors je m'oblige à écrire 7 jours sur 7, 19h sur 24, je te le fais. Je fais comme un 4 quarts, juste en 16 mesures. Remplis ma petite record de balle, ira à l'usure. Je te fais un film de cul avec mon stylo. Mon son joue à domicile et m'envoyer le ballon comme un gros missile. Accueille le winner de la prime qui pousse. Je supporte deux fois plus de rime. Bienvenue au cœur du risque en 2009 et en NetDev. Pas prêt de partir car dans le rap je me suis pris perpète. Sans remise de peine, ils frôlent l'anorexie. Depuis que le désir a fait son entrée, ils ont débloqué les issues de sortie. À ce titre qui va faire parler les gens. Jugez du charme, accrochez-vous et je compte monter la fuite du succès. Encore un bronze et qui vient de l'excès. Mais j'ai l'excellence.